Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Roulement de Tambour, le supplément Tech Café. J'ai eu des discussions captivantes avec plusieurs personnes, mais notamment une personne que vous entendrez peut-être bientôt dans un autre podcast. Je vous tease ça un petit peu quelques jours, quelques semaines plutôt à l'avance, mais on m'a suggéré, j'ai trouvé ça très pertinent, Guillaume, qu'on appelle ça tout simplement le supplément. Donc je propose, après avoir changé des dizaines de fois de nom, de format d'épisode complémentaire à l'épisode hebdo, qu'on appelle ça le supplément. C'est fou, j'étais persuadé qu'on appelait ça Tech Café Weekend en fait. Et bah voilà, bah on appelait ça comme ça avant, mais comme ça correspond pas forcément au week-end, on va l'appeler Tech Café Supplément. Ah, alors, c'est bien en plus de changer un peu nos habitudes, de nous bousculer. Le principe de Tech Café Supplément, c'est d'avoir tous les autres sujets qu'on n'a pas abordés dans l'épisode hebdomadaire, où on vous donne toutes les infos phares qu'il ne faut pas manquer, et on vous donne voilà, du menu fretin, mais qui mérite quand même d'être abordé et d'être discuté. Je suis Guillaume Vendée et j'ai l'immense plaisir de retrouver pour cet épisode Guillaume Podjia. Pas là. Salut Guillaume, comment vas-tu? Eh oui, absolument, dans ce nouvel épisode du podcast, il change de nom tous les 3 mois. C'est exactement ça. Mais c'est pour vérifier si les gens suivent. En fait, c'est juste pour ça, tu comprends? C'est juste pour ça. Et ben voilà, sans autre forme de procès, abordons tout de suite les infos complémentaires. Avec, un contexte géopolitique qui continue à s'accentuer au profit de restrictions, notamment concernant certains pays, en particulier pour la Chine. Ça continue, Guillaume. Ben oui, les relations entre la Chine et les États-Unis, qui tenaient déjà de la détestation cordiale, vont pas s'arranger du tout. Alors, pour faire simple, Biden vient pratiquement d'imposer à toute la Chine ce que son prédécesseur avait imposé à Huawei. Donc, on avait déjà parlé des restrictions concernant les puces haute performance, genre de Nvidia et AMD, il n'y a pas très longtemps de ça. Et cette semaine, c'est une bonne trentaine de boîtes chinoises supplémentaires qui se voient interdire d'importer des biens américains. Et parmi elles, il y a de la chimie, de la biochimie. Il y a des universités d'État, comme celle de Shanghai. Il y a aussi YMTC, qui n'est autre que le plus gros fournisseur de RAM et de flash de Chine. Donc le but, c'est clairement de brider la croissance technologique chinoise en les privant des technologies occidentales les plus sophistiquées. Par exemple, tout équipement gravé en moins de 16 nanomètres ou équivalent sera interdit d'exportation vers le pays. Bon, ça fait beaucoup. On rappelle que 16 nanomètres, c'est il y a 10 ans. Les dernières GeForce sont gravées en 4 nanomètres. Intel a introduit le 14 nanomètres en 2015. Les trucs en bois, vous pouvez, quoi. C'est grosso modo, c'est ça, ouais. Donc les entités en question sont techniquement pas blacklistées, mais enfin, il faudra à chaque boîte américaine qui souhaite faire affaire avec demander une autorisation spécifique qui sera délivrée que si le gouvernement est convaincu à 100 ou 130% qu'il n'y a aucun risque pour la santé et la sécurité du pays. Ouais, c'est moins facile, on va dire. C'est une petite friction. Donc Apple lui-même, d'ailleurs, a envisagé de se servir chez YMTC. YMTC, ça veut dire Yangtze Memory Company. Yangtze Technology Memory Company. Memory Technology Company. Un truc comme ça. Donc, globalement, Apple voulait les voir parce que voilà, ils n'étaient pas trop chers. Et ça avait fait pas mal de vagues outre-Atlantique parce que c'est une boîte chinoise. Donc voilà. Alors, c'est d'une manière peu surprenante, les Chinois, eux, n'ont pas très bien pris la nouvelle. Donc, ils accusent les US de torpiller la concurrence, de déclencher de fait une guerre commerciale qui va peser sur l'économie mondiale, et c'est probablement déjà le cas. Même si l'impact de la mesure, pour l'instant, elle est difficile à isoler dans le contexte macroéconomique et qui est quand même assez difficile, entre récession, pénurie et demande en chute libre. Bon, de fait, d'ailleurs, AMD et Samsung dégringolent, Intel et ASML aussi, comme SMIC. Donc, de toute façon, le Nasdaq est en baisse depuis là sur la semaine. Il est clair que les restrictions pour la Chine vont aussi impacter beaucoup de boîtes américaines et leurs partenaires, puisque Samsung, par exemple, a pas mal investi là-bas. Donc la Chine va devoir se passer de plus en plus de nos technos, et on va devoir se passer de plus en plus de leur marché. Ça va faire mal des deux côtés, d'autant que la Chine peut tout de même disposer d'architectures libres comme RISC-V, et oui, je le replace, Alibaba commence à s'y intéresser sérieusement. Donc quand même, ce serait un comble si Biden permettait l'explosion de RISC-V avec ses restrictions aux dépens de ARM et Intel. Intel s'est positionné quand même comme fondeur généraliste. Voilà, c'est vraiment ce qu'il veut devenir, c'est l'objectif. Donc au moins, il pourra toujours gagner de l'argent en fabriquant des puces, quelles qu'elles soient. Pour ARM, par contre, c'est beaucoup moins évident. Et concernant RISC-V, je pense qu'il faudra mettre une pièce dans une tirelire à chaque fois que Guillaume Pogjaspala vous en parlera dans un épisode. C'est probablement la meilleure solution à faire. Un placement plus fiable que la crypto-monnaie. Ouais, c'est ça qu'il faut faire, en fait. C'est comme les gros mots. C'est-à-dire, quand tu dis RISC-V, tu mets un euro dans le cochon. C'est exactement ça. On compte sur vous. Par contre, il y en a un qui est en hausse, Guillaume, c'est TSMC. Oui, alors AMD, par contre, attention, je voulais parler quand même un petit peu d'AMD parce que Samsung. C'est intéressant. On parlait d'AMD et Samsung en baisse, et ben ouais, en fait, ils sont en baisse, c'est pas qu'un peu. Samsung voit ses ventes baisser de 32%, et AMD corrige ses prévisions avec 1 milliard de rentrées en moins. La faute à qui ? Eh ben à vous. Eh oui, c'est vrai quoi, vous achetez plus de PC. Ben voilà, maintenant, bravo, hein, voilà. Bon, la demande était tellement haute ces dernières années, et elle a tellement baissé que les inventaires sont pleins, en fait. Donc Intel accuse aussi une baisse de chiffre d'affaires hein, quand même marquée. Pour un temps, les prix des composants d'ailleurs comme la RAM et la flash vont continuer de baisser. Mais pour Nvidia d'ailleurs, il y a eu un choc en août, hein, on avait parlé il me semble. Maintenant c'est AMD qui heureusement a vu sa part de marché sur les data centers et le calcul haute performance augmenter généreusement hein, depuis l'arrivée des Ryzen. Et donc si on regarde les courbes des chiffres d'affaires par secteur, on voit clairement que la diversification elle est totalement vitale de nos jours. C'est-à-dire que le segment du gaming est un peu atone pour AMD. Hein. Celui des PC, il est en chute libre. Et heureusement, bah, les data centers, ils sont toujours en croissance quasi linéaire. Et le secteur de l'embarqué se porte bien, même si bon, il marque un peu le pas par rapport à 2021. Donc en somme, bah, comme Nvidia, AMD est sauvé parce qu'il est plus concentré sur un seul marché. Nvidia, il a un spectre de produits qui va du drone intelligent au super ordinateur, en passant par les consoles de jeux, les voitures, tout ce que tu veux. Diversification de ouf. Complètement, et AMD va devenir, si ça continue comme ça aussi, une boîte portée par le secteur professionnel, bah comme Nvidia, hein, qui vend ses Tesla par brouette, et qui sera beaucoup, beaucoup moins portée par les clients, c'est-à-dire les machines clients, c'est-à-dire les, en gros les PC grand public. Et c'est aussi pour ça que les grosses boîtes rachètent perpétuellement d'autres boîtes, pour être présentes dans le plus de marchés possible, et passer sans trop d'encombre les turbulences comme on a maintenant. Quoi. Alors ça fait pas tout, surtout quand ton business, bah, c'est de rester justement à la pointe de la tech. Hein. Bon, dans le cas de Samsung, c'est ça. Et quand t'es Samsung, ta vie est quand même compliquée. Bah, et d'ailleurs, il a dévoilé une feuille de route Samsung pour jusqu'en 2027, où il prévoit d'atteindre le 1,4 nanomètre après avoir introduit le 2 nanomètre en 2025. Le 3 nanomètre a été présenté cet été d'ailleurs. Hein. Donc il devrait arriver en masse l'année prochaine, au début d'année prochaine. Donc lui aussi, il veut se diversifier plus, tu vois, tout le monde. Hein. Les segments de la haute performance, bah, il veut gagner sur le segment de la haute performance et de l'embarquer. Parce que ces deux secteurs-là doivent grossir à 50% des commandes d'ici 5 ans. Enfin, ça, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il appelle de ses voeux. Tout comme d'ailleurs. Deux éléments assez opposés sur le spectre, quand même, quand on y réfléchit. L'embarqué et la haute performance ? Mmh. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment pas de mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc là, en ce moment, ils sont quand même très très concentrés sur le mobile. Ils veulent là être présents partout. Donc l'embarqué, quand je dis embarqué, je sous-entendu non téléphone mobile, parce qu'évidemment ils sont très très présents là-dessus, mais non téléphone mobile dans le sens objet connecté, automobile, les montres, ouais. Tout à fait, les montres, les automobiles, les infrastructures 5G aussi, donc voilà, tout ce qui est infrastructure, et donc la haute performance, donc c'est voilà, les puces pour serveurs hein, globalement, et les stations de travail, et bien entendu il y a aussi tout ce qui est la puce mobile classique, et les PC, etc., là où ils sont déjà quand même bien présents. Donc ils veulent aller chercher d'autres marchés que leur cœur de métier habituel, et voilà, pour soutenir, voilà, ils veulent aussi évidemment soutenir la cadence de la miniaturisation, et donc eux aussi devenir des fabricants généralistes. Ce qu'ils sont déjà un peu, mais évidemment, s'ils arrivent sur un peu tous les marchés comme ça, ça va exacerber ça. Donc ça met bien la pression, évidemment, sur leur concurrent direct, TSMC, forcément. Et c'est justement TSMC, effectivement, qui, eux, à l'inverse, est plutôt sur un vent qui lui est favorable. Hein. Bah, alors, TSMC, oui, bah, disons, il essaye de rester. Ils ont le lead. Bon, TSMC, il est conscient de la pression que lui met Samsung, et bientôt que lui mettra Intel, vraisemblablement. Si tout va bien. Donc, il va investir, évidemment, pour conserver ce lead, où une masse ne serait-ce que rester à niveau. Et c'est quand même 40 milliards de dollars d'investissement cette année, 41 pour l'année prochaine, pour déployer le 2 nanomètres. Et conserver... C'est quoi, c'est un Twitter, ça ? Bah, écoute, oui, c'est presque un Twitter par an. C'est ça. Mais bon, c'est pour des trucs sérieux, quoi. C'est pour fabriquer des processeurs, c'est pas pour des... Bon. Bref, note bien que JP Morgan s'attendait à 2 milliards d'investissements de plus, en fait. Donc, ils ont réduit un peu la voilure parce que la demande, justement, ralentit. Donc, il est plus judicieux de conserver un peu sous la pédale pour l'année prochaine. D'ailleurs, comme tout est plus cher et que, justement, bah, ils sont leaders, bah, les prix continuent d'augmenter aussi. Donc, le prix du transistor est de plus en plus cher. Et même des poids super lourds comme Apple commencent à rechigner, commencent à être un petit peu, bon, quand même. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit Mac Rumors. Apparemment, les wafers de TSMC, les top niveau, top moumoutes, ils augmenteraient de 6 à 8%. Et Apple aurait refusé dans un premier temps, avant de se raviser. Et c'est parce qu'il n'y a personne d'autre, en fait. Il n'y a pas d'alternative crédible aux 3 nanomètres pour marquer une hausse de perf significative. parce que j'imagine que le 3 nanomètres de Samsung est peut-être pas complètement en remplacement direct, tu veux, de celui de TSMC. Donc ce nouveau 3 nanomètres, il va être cher, tellement qu'Apple fait partie des rares qui ont déjà les moyens de se l'offrir, hein, et ça en quasi-exclusivité, en avant-première quasiment, et surtout qu'ils ont un marché suffisamment grand et avec assez de marge pour le rentabiliser. Donc si on regarde les dépenses du secteur de semi-conducteurs sur 13 ans, on est passé de 43 milliards de dollars en 2008 à 153 en 2021 et 112, 185 cette année. Donc c'est vraiment, ça explose, ça augmente de manière vraiment régulière et vraiment importante. Et donc il faut en vendre des trucs, hein, pour rentabiliser tout ça. Et on commence à le percevoir en tant que consommateur avec des prix qui ne baissent plus. Je veux dire, des prix à performance constante qui ne baissent plus, comme c'était le cas auparavant, hein, et ça aura des impacts majeurs sur toute l'industrie, des consoles de jeux jusqu'aux superordinateurs. Justement, tu parlais des superordinateurs, et moi j'en ai une image, Guillaume, que tu vas probablement contredire nécessairement, qui est justement, tu vois, non seulement ils vont vite, non seulement ils font des calculs complexes, mais en plus ils sont fiables, tu vois. Et a priori, l'info que tu nous relais est peut-être de nature à contrebalancer un petit peu ce sentiment. Alors, ça doit dépendre des superordinateurs, mais tu sais que, je veux dire, dès le début, les ordinateurs, les gros ordinateurs des universités, ils avaient des bugs très très régulièrement, ils tombaient en panne toutes les semaines. Enfin, je veux dire, bon, les premiers qui étaient électromécaniques, je sais pas à quel point c'est vrai cette histoire de bug, qui, tu sais, le mot bug qui viendrait d'un insecte coincé dans un relais. Mm-hmm. Bon, je sais pas exactement à quel point c'est tellement beau que ça donne envie d'y croire, en tout cas. Exactement. Mais bon, quand on avait des trucs avec des tubes à vide, etc., je leur ça pétait, ça pétait assez fréquemment. C'est pas aussi. C'était moins le cas, ça a été moins le cas pendant longtemps, mais comme on commence à avoir des machines qui deviennent absolument monstrueuses, ça devient plus le cas apparemment. Et c'est le cas apparemment de Frontier. Frontier, c'est le supercalculateur du laboratoire Oak Ridge, donc aux États-Unis, qui est fabriqué par Cray et qui tourne en tout AMD pour dépasser la barre symbolique et astronomique, hein, de l'exaflop, soit 1 million de teraflops, et le tout en mode brutal, c'est-à-dire en double précision, 64 bits. Bon. Donc ce gros machin devait être dispo en 2022, mais comment dire, être le plus gros ordinateur du monde, c'est pas facile tous les jours. Et Frontier tomberait pour l'instant en panne plusieurs fois par jour. Donc il faut dire qu'il a quand même près de 60 millions de pièces. Le plus inquiétant, c'est qu'il semble pas y avoir un coupable bien identifié. En tout cas, c'est ce que dit Justin Witt, qui dit que les responsabilités sont plutôt bien distribuées. C'est pas particulièrement un problème de fiabilité d'AMD ou de Cray d'ailleurs. Il a l'air de dire que la taille, tout simplement l'échelle de la bête, est en cause. Donc c'est un peu inquiétant parce que on ne sait pas, hein, si Frontier sera dispo en 2023, on l'espère, on verra. Est-ce que c'est un signe qu'on commence à toucher un peu les limites? Parce que de fait, ça fait des années qu'on s'interroge sur la loi de Moore et qu'on la déclare décédée un peu vite. En fait, elle est comme un chat de Schrödinger, la loi de Moore. Elle est un petit peu à la fois un peu morte et presque vivante, selon la version qu'on retient. Parce que alors, la loi entre guillemets de Gordon Moore, originale, en fait, c'est une prédiction qui postulait un doublement de la complexité des semi-conducteurs tous les ans à coût constant. Il a dit ça en 65. Donc, bon, ok, mais dans les années 70, quand même, il a révisé un petit peu sa prédiction avec un doublement du nombre de transistors tous les 2 ans. Plus tard encore, il s'est passé un peu dans le langage commun, et c'était plus ou moins, ça voulait dire, ça double tous les 18 mois, la puissance double tous les 18 mois, la fréquence, la capacité, bon, enfin, il y a un truc qui rend les PC plus rapides, qui augmente tous les 18 mois, en gros. Et en fait, ce nombre de 18 mois vient pas de Gordon Moore, mais ça vient d'une autre citation d'un autre cadre d'Intel, mais bon. Bref, quoi qu'il en soit, là, c'est quand même un peu mort, tout ça, hein, parce que les transistors continuent de se miniaturiser, c'est vrai. Oui, les CPU sont de plus en plus puissants avec le temps, mais c'est plus un doublement, ni tous les 18 mois, ni tous les 24. Ouais. Hein. Ouais. C'est vrai que pour doubler vraiment la puissance de calcul, il faut des puces plus grosses, plus fat, quoi, et donc plus chères, et qui chauffent aussi plus d'année en année. Et au côté de, le côté augmentation à coût constant, c'est fini aussi. 2 fois plus de transistors, 2 ans plus tard, c'est pas le même prix, c'est plus cher. Donc le calcul haute performance qui veut utiliser toujours le meilleur, le top niveau, il sent la tendance, enfin, il sent pas la tendance, il se la prend de plein fouet. D'où des recherches sur comment optimiser les rendements et comment faire de plus grosses puces sans que ça explose les prix. C'est ce qui a donné d'ailleurs plein de trucs, c'est ce qui a donné la notion de chiplet, hein, ou de puces modulaires, et aussi les technologies d'interconnexion sur les puces en 2D ou même en 3D. Donc si on regarde par exemple les prochains projets pour le successeur de Fugaku, qui est une machine japonaise, ça repose beaucoup sur de très grandes capacités de mémoire à très très haute densité, à très haute bande passante, qui seraient directement connectées sur le processeur principal. Quand je dis sûr, c'est vraiment au-dessus. Donc un peu comme sur le Macintosh, sur l'Apple M1, dans le M1, c'est ça, mmh. Et vous avez des trucs de puce qui sont au-dessus. Mais là, il y en aura carrément toute une pile dessus de DRAM et de SRAM, et aussi à côté d'ailleurs. Donc il y aura un interposeur, il y aura la puce avec son chapeau de RAM, puis un truc à côté. Pour leur usage, ils ont déterminé que c'était la bande passante mémoire, qui était un goulet d'étranglement qui était vraiment important. Alors c'est bien. C'est pas non plus une panacée, hein, les chiplets. C'est mieux que les processeurs que personne ne peut se payer parce qu'ils sont trop chers, mais c'est quand même compliqué à fabriquer. Et puis bon, évidemment, un petit peu de perte en termes de vitesse par rapport à un truc direct. Du coup, il y a d'autres pistes, hein, qui sont évidemment utilisées à plein. Il y a la spécialisation, tout simplement. Alors, la seule solution qui reste, finalement, c'est d'adopter le hardware au calcul qu'on souhaite faire dessus. Et déjà, là, il y a, non seulement ça a été, donc c'est une voie qui a été empruntée, mais c'est une voie qui commence même à faire à diverger à plusieurs endroits, quoi. Il y a à peu près trois voies qui commencent à se dessiner déjà sur des machines spécialisées, quoi. La première voie, c'est la voie ancestrale, hein, la voie du calcul généraliste, précision maximale, façon frontière, brutale. Et on voit que ce chemin, il est de plus en plus difficile à pratiquer, en fait, hein, parce que frontière, un hexaflop en FE64, c'est pas facile. Le deuxième, c'est la piste de la précision variable. Donc c'est celle qui a permis l'explosion du deep learning, celle qui permet son explosion actuelle. Hein. Donc le travail demandé par les modèles de deep learning, c'est des travaux qui sont très spécialisés, très bien identifiés, qui nécessitent souvent pas une précision énorme. Et donc on exploite ça pour atteindre des hexaflops en 16 bits, voire en 8 bits, avec des unités matricielles ultra optimisées, etc. C'est typiquement la voie que prend Nvidia, hein. Les chiffres de perf explosent, les machines classiques, ça explose frontière. Mais ça fait pas exactement le même boulot non plus, hein. Ça utilise des précisions plus faibles sur des trucs un peu, des structures un peu différentes. Et la troisième voie, c'est celle d'une autre classe d'algo qu'on oublie souvent, mais qui nécessite énormément de mémoire et qui sont partout et qui sont économiquement stratégiques, c'est les algos de recommandation. Les algos de recommandation, c'est un petit peu tout. C'est à la fois du machine learning, mais c'est du machine learning qui utilise des volumes de données absolument énormes. Ça joue avec des volumes de données qui peuvent atteindre des dizaines de téraoctets. Et ça pose une autre problématique, et ça motive des choses comme les protocoles CXL, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, entre autres. Donc on se retrouve avec des classes de superordinateurs qui peuvent être très bons pour certaines choses, mais pas super pour tout le reste, en fait. Alors vous me direz que c'est normal d'adapter les outils au boulot, c'est vrai. Il ne faut pas oublier que les outils disponibles orientent aussi ce qu'on va avoir envie de faire. Donc si on optimise, comme ça commence à être le cas, le matos pour être bon sur un modèle particulier, sur une structure de modèle particulier, du coup ça dissuade un peu les gens d'aller voir d'autres modèles, parce qu'ils seront désavantagés par rapport à ceux qui suivent la voie orthodoxe et qui auront donc accès aux performances les meilleures. Donc il y a des voix même qui commencent à s'élever pour dire qu'on est tellement en train de tout optimiser pour les transformers, pas les robots, les transformers, les modèles deep learning, que ça dissuade la recherche sur des architectures qui seraient totalement différentes et qui, du coup, seraient lentes à se faire, parce qu'on n'aurait pas les bonnes perfs. Donc une problématique... Et du coup, la recherche avancerait moins vite ou pas aussi confortablement sur ces domaines-là, quoi. Exactement, pas aussi confortablement, voire carrément... La vitesse de calcul, c'est quelque chose d'extrêmement important, en fait, parce que... déjà, ça justifie de travailler sur certains sujets, en fait. GPT-J, GPT-3, GPT-J, c'est des choses qui mettent plusieurs semaines à s'entraîner. Et évidemment, tu fais un entraînement, tu vois que c'est pas forcément ce que tu voulais, tu refais un entraînement, c'est encore plusieurs semaines. Imagine que t'es un truc qui soit 100 fois moins rapide, tu le fais pas, tout simplement. Mmh. Ou même 10 fois moins rapide, tu le fais pas non plus, je crois. Donc il y a quand même une problématique réelle à la performance. La performance permet de faire des choses que sinon, c'est juste pas viable. Donc c'est intéressant, et ce qui est marrant, c'est que ça motive aussi des recherches pour adapter les calculs standards aux nouvelles machines. Donc en gros, plutôt que de tout faire en double précision, comme on faisait jusqu'à maintenant, hein, donc sur des machines du type frontière, on essaye de faire des calculs en plusieurs fois, sur 16 bits par exemple, et de n'utiliser que le moins possible les calculs en 64 bits, pour quand même arriver au même résultat. Donc il y a des recherches comme ça qui changent les méthodes de calcul pour s'adapter au hardware et quand même arriver à faire des calculs classiques, c'est-à-dire non deep learning, sur des machines qui sont quand même optimisées pour le deep learning. En tout cas, c'est vraiment intéressant de voir finalement comment tout le monde se bat pour finalement faire perdurer une loi de Moore malgré son décès. C'est la fin de l'abondance de la loi de Moore quelque part. Ça demande à travailler de manière un petit peu plus rationnelle. Super intéressant, et j'avais vraiment pas en tête effectivement les enjeux que pouvaient représenter les performances des supercalculateurs, parce que oui, quand on les voit comme ça de l'extérieur, on se dit bon, c'est un peu du caprice pour que ça aille plus vite, quoi, qu'on fasse des calculs plus précis, plus profonds. Mais non, mais en fait, ça justifie carrément des usages, et tu l'as très bien démontré. Quand on parle, tu peux pas le faire en moins de 6 mois. On parle à longueur d'épisode, de Midjourney, de GPT-3, de je sais pas oui, qui. Oui, en ce moment, oui, c'est un peu notre dada. Bon, eh ben, ces trucs-là ne pourraient pas exister sans des puissances de calcul démentielles qui ont été développées ces 10 dernières années. C'est juste impossible. Un exemple donc extrêmement pragmatique, très bien. On reste dans l'univers des composants avec Raptor Lake du côté d'Intel, Guillaume. Oui, il y a un autre truc qui est chaud bouillant, c'est Raptor Lake, hein, voilà, qui arrive en courant sur ses deux petites papates de derrière le 20 octobre. Et comme pour me faire mentir un petit peu, ils sont globalement au même prix que leur contrepartie de 12e génération, sauf les i5 qui prennent $30. Par contre, on voit que leur consommation max est en hausse. Et en gros, bah, la consommation max, c'est là qu'ils vont chercher les performances en plus, hein, puisque quand consommation mine, bah, c'est quand ils sont plus ou moins au repos, consommation max, c'est là que tu vas chercher les grosses perfs. En tout cas, Raptor fait déjà parler de lui avec un record d'overclocking à 8,2 GHz. C'est quand même dingue. Plus de 8 GHz atteint par un cœur, Core i9 13900K, avec de l'azote liquide. Oui, quand même. Alors, la puce de base possède 24 cœurs, et elle peut monter en stock hein, de, à 5,8 GHz sur un cœur et à 5,5 sur tous les cœurs. Tant qu'ils ne font pas, en gros. C'est la nouvelle philosophie d'Intel. Hein, c'est tant que ça ne fond pas, vas-y, envoie. Et dans le cas qui nous intéresse, les cœurs économiques étaient désactivés. Faut dire que l'économie, c'était pas trop le sujet. Hein. On peut le dire. C'était pas l'objet de l'expérience. Donc là, ils ont pris un voltage de 1,824 volts, une température de moins 193 degrés, et autant de vapeur qu'une locomotive des années 40 à peu près, hein, pour, sur le truc. Et le Raptor a atteint 8,2 GHz sur un cœur pendant quelques minutes avant de faire un superbe écran bleu. Donc bon, pas non plus, voilà. Donc l'overclocking... Ça a marché, pas longtemps. Voilà, donc ça existe toujours, l'overclocking extrême. Le record chez AMD, c'est 7,5 GHz sur un Zen 4. Mais bon, ne faites pas ça chez vous, franchement. Évitez, effectivement, c'est pas très... Bon, pour le coup, ça met fin un peu douloureusement à la bête. On passe un petit mot aussi du côté de la GeForce RTX 4090. Truc chaud chaud, ben oui, truc chaud bouillant. Alors, en retour sur la 4090, c'est une carte bien partie pour devenir légendaire. Et je reviens encore sur sa taille. Et oui, la taille compte. Si on a vu la Founders Edition, qui était déjà grosse, mais pas plus que la 3090, qui était donc de 3 slots PCI de large... Mais on peut voir désormais les versions des partenaires. Et elles sont effectivement encore plus grosses. C'est 3,5 slots chez Asus et Zotac. Certaines seraient même carrément 4 slots et feraient plus de 33 cm de long. C'est des monstres avec des radiateurs ahurissants. Mais pourquoi ? Parce que en fait, la 4090 ne consomme pas plus que la 3090. Et bien, si on en croit une source proche du dossier, comme on dit, qui travaillerait dans la supply chain à Taïwan, c'est parce que Nvidia comptait bien sortir une puce 4090 à 600 watts. À l'époque où elle aurait dû être gravée par Samsung. Donc ce sont les données en fait qu'il a envoyées à ses partenaires, qui ont dû faire avec, et qui ont donc prévu des radiateurs de bon kilo et demi. Plus tard, Nvidia s'est finalement tourné vers TSMC, qui lui a sorti une puce beaucoup plus rapide, qui devait donc monter bien moins haut en fréquence, de sorte que la consommation finale s'est finalement établie à 450 watts, et les partenaires, ça, ben, ils l'ont su qu'au dernier moment. Et donc, ça a dû en vénérer quelques-uns, puisque EVGA, désormais, refuse catégoriquement de travailler avec Nvidia. Bon, ben, c'est pas officiel que ce soit à cause de ça, mais ça expliquerait quand même pas mal le truc. Non, parce que le poids supplémentaire, évidemment, ça coûte, hein, tout ce métal, ça coûte $10 par carte au constructeur. Donc, c'est tout ça inutilement. Enfin bon, disons, les GeForce 4000 seront très bien refroidis. Donc, si cette histoire est vraie, et franchement, c'est plausible, hein, ça suppose plein de choses. Déjà, ça suppose quand même que Samsung est franchement en retard par TSMC, hein, à supposer qu'il s'agissait des deux process haut de gamme sur les deux trucs, mais bon, on imagine mal Nvidia voler en classe éco. Et ensuite, Nvidia allait sérieusement nous proposer des cartes à 600 watts. La 4080, donc la version grand public, hein, je dirais, aurait consommé 420 watts. Sérieusement ? Jensen, là, bon, il est parti en sucette. Et pour finir, bah, apparemment, Nvidia semble pas avoir une considération démesurée pour ses collaborateurs, mais bon, ça... J'imagine que ça fait partie des choses qu'on aurait pu éventuellement débrancher dans la crise énergétique. Mais qui est la ça passe pas l'hiver. Cet hiver, ça passe pas cet hiver. Hein, je veux dire, quand on sera en tension maximale au cœur de l'hiver, à mon avis, la 4090, tu dois l'éteindre. Il faudra se regarder devant la glace si jamais vous faites tourner ça. Mais c'est ça, toi alors qui fais péter la truc. Je vois, tu lances ta GeForce, tu fais péter la boucle. Bon, un peu problématique, effectivement. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas jouer sur les GPU Arc, Guillaume? Oui, on continue dans les GPU avec les Intel Arc qui ont enfin été testées. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles soufflent le chaud et le froid, tu vois, le froid dans la nuque, tu vois, où les petits poils se dressent. Parce que, alors, c'est le haut de gamme qui a été particulièrement testé, les A770 et les A750, qui ont été testés un petit peu partout, et la conclusion, c'est un peu partout la même, c'est qu'elles sont très bien, ces cartes. Elles sont très bien, mais, et il y a plusieurs gros mais. Donc, mais, il ne faut pas compter sur une concurrence à la 3080, déjà, hein, c'est pas du tout, on n'est pas du tout là-dessus, on est sur des performances autour des AMD 6600 et des 3060. C'était prévu, et les prix sont parfaitement adaptés en conséquence, puisqu'ils sont de 289-350$, ce qui est très compétitif, vraiment. Mais, vous devez avoir un processeur récent, parce que les Arc comptent énormément sur des technologies qui s'appellent chez Intel Resizable Bar et chez AMD donc SAM. SAM, c'est celui qui ne boit pas. Celui qui ne boit pas, exactement, tu as raison. Smart Access Memory, c'est ça, Smart Access Memory. Et donc sans ça, ben, les performances peuvent être totalement désastreuses. Donc, vous devez avoir un processeur récent, du coup, parce que les Resizable Bar, c'est les Intel de génération 10, quand même, et les Zen 5000 pour le Smart Access Memory. Et est-ce aussi, que, commercialement parlant, c'est du coup une proposition cohérente, sachant que tu dois payer à un processeur récent? Pas du tout. Non, c'est... Non, je vais être clair. Hein. Si tu sors une carte budget, il faut t'attendre à ce que des mecs un peu budget, comme moi, avec des processeurs un peu anciens, aient envie d'upgrader. C'est ça. Donc, c'est vraiment dommage de limiter à des Intel de génération 10 ou des Intel. Ça limite si ta vieille carte graphique est tombée en... Mais non, justement, même pas. Mais, non. Mais oui, mais c'est ça. C'est gros. Ça, et ça, c'est vrai que c'est carrément un souci. C'est vraiment dommage. Donc voilà, il faut donc un processeur récent avec évidemment une carte mère compatible et un BIOS où tu peux activer le rebar ou Smart Access Memory. Et si t'en as pas, tu passes ton chemin. C'est pas la peine de continuer à écouter, en fait. Donc, les Arc offrent de très bonnes performances en raster comme en retracing. Étonnamment bonne même, en fait. Elle se bonifie avec la résolution. Au plus la résolution est haute, au plus l'écart se creuse avec la concurrence, à l'avantage des arcs. C'est quand même incroyable. Mais elle donne le meilleur d'elle-même sur des titres récents. Sur les anciens jeux, en DirectX 11 ou moins, c'est le loto, et parfois ça marche pas. Donc c'est vraiment, c'est dommage. La carte offre aussi tout le confort moderne, puisqu'elle, voilà, XESS est très efficace, là où c'est supporté. Elle peut décoder et encoder de la V1, ce qui est vraiment un super point positif. Mais les drivers sont très jeunes. La stabilité n'est pas optimale, donc tout ça demande encore du travail. Donc, jouer avec Arc, ben, c'est l'aventure. Tu sais jamais exactement comment ça va se passer. C'est un jeu en soi, en fait. Ça peut être excitant. Hein. Parfois, c'est le rêve, c'est la lune de miel. Et parfois, c'est la grosse dispute et les envies de divorce. Bon, vous êtes prévenus, les Arc ont du potentiel et elles ont aussi du caractère. Alors, cela dit, petit aparté, pour la création vidéo, les cartes Arc pourraient être une bonne affaire, parce qu'une petite Arc, une Arc 380, ça coûte que $140, c'est pas très cher, et ça permet l'encodage et le décodage et l'encodage, donc le transcodage AV1 transparent. Et certains streamers, par exemple, pourraient être intéressés. La V1 est standard sur plein de sites, mais son encodage requiert beaucoup de puissance CPU. Alors une carte Arc rend ça gratuit, enfin $140. Donc ça peut être une option pour la vidéo, je pense. Ok, c'est cool. Je suis pas certain qu'elles étaient prévues pour être destinées à cet usage bien spécifique, mais les moins chères après les autres, évidemment. Ouais, forcément. Mais par contre, Intel, ce qu'ils proposent, c'est pas que des cartes graphiques, mais c'est aussi un langage de GPU, Guillaume. Ouais, pour conclure sur les Arc, pour un sujet très connexe, Intel veut créer un langage de programmation de GPU totalement agnostique qui s'appelle Cycle. Alors je sais, il y a déjà OpenCL, et d'ailleurs, effectivement, c'est aussi le Chronos Group qui gère Cycle et OpenCL, et en fait, Cycle utilise OpenCL. Donc OpenCL, c'est un truc de plutôt bas niveau, et alors que Cycle est plutôt de haut niveau. C'est prévu pour être une extension de C++, qui pourrait être compilée une fois pour toutes et fonctionner sur toute GPU ou CPU, d'ailleurs. N'importe quoi qui soit compatible OpenCL, en fait. Alors, c'est pas le seul langage qui propose ça, il y a AMP et CUDA. Alors AMP, c'est Microsoft, et CUDA, c'est NVIDIA. L'avantage de la solution Intel, c'est que c'est agnostique, ça marche sur tous les accélérateurs et ça marche sur tous les OS. Donc Cycle ressemble beaucoup à CUDA structurellement, et d'ailleurs il existe même un traducteur CUDA vers Cycle, qui marche à 95%, le reste étant des fonctions qui sont propres au matériel NVIDIA, donc pas de regret. Et le but est clair, hein, c'est réunifier le monde fragmenté du calcul du GPU, tout en offrant des outils pour que tu n'aies plus d'excuses pour ne pas utiliser une carte Intel, parce que bon quand même, voilà, maintenant qu'il y a Cycle et CUDA, etc. Tout cela est très cohérent finalement. Mais oui. On va parler d'autres produits qui font tourner des bons graphismes avec le MetaQuest Pro. Alors, je ne sais pas si tu voulais relayer les quelques annonces, Guillaume, ou si tu voulais que je me prête à l'exercice. Bah, mais... Comme tu veux, il y a des trucs... Il y a une surprise. Il y a Meta qui a organisé sa conférence, parce que c'est Meta maintenant, évidemment, c'est pas Facebook Connect, c'est Meta Connect, et qui a présenté le Meta Quest Pro, alors sur lequel il reste peut-être beaucoup de choses à vérifier, mais qui sera en tout cas, et ça c'est très concret et très pragmatique, très vérifiable, le 25 octobre, on a donc le Meta Quest Pro qui sera commercialisé, et qui va laisser place à la réalité mixte, donc on n'est pas sur une approche de réalité virtuelle comme le MetaQuest 1 ou 2 d'ailleurs, on est vraiment sur une proposition complémentaire avec un prix aussi différent, puisqu'on a un produit qui sera accessible à 1799€ et qui s'appelle donc le MetaQuest Pro. Je pense qu'il faut peut-être le concevoir avant tout comme peut-être une plateforme de développement ou une plateforme de démocratisation de ses usages en vue de les distribuer après au grand public. Donc évidemment avec une qualité graphique complètement record par rapport à ce qui a pu être proposé, avec des écrans mini LED d'une résolution selon Meta 37% supérieure, plusieurs caméras qui sont disposées tout autour de l'appareil pour scanner votre environnement, dont évidemment des caméras en couleur pour reproduire ce qui se passe autour de vous et y rajouter des éléments en réalité augmentée. Et en même temps, ce qui est assez curieux, c'est que dans la présentation, alors que j'ai pas vu, hein, je m'appuie vraiment sur des relais qui ont pu en être faits, mais il y a eu quand même assez peu d'usages concrets qui ont été mis en scène, et on se heurte quand même toujours à ce problème sur ce type de technologie de dire que c'est bien, ça marche, ça avance, mais on a quand même du mal à toucher du doigt les grands avancées en matière d'usage. Évidemment, ont été évoqués le dessin 3D ou les réunions, ou encore le jeu vidéo avec une version de Beat Saber où tu peux jouer au jeu où tu utilises ton sabre laser pour être en rythme avec de la musique, mais depuis ton salon avec les briques qui flottent directement autour de toi et non pas dans un environnement virtuel. Guillaume, est-ce que tu es hypé par ce MetaQuest Pro ? Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir s'imposer et auprès de qui ? Écoute, je pense que tu as quand même oublié la plus grosse nouvelle de ce MetaConnect, qui est Vas-y. Les avatars ont des jambes. Ah, pardon, ça je pensais pas que tu allais parler de ça, excuse-moi. Ça y est, dans Horizon. Fini les mises en jambes. Exactement, les mises en jambes, c'est fini, ça y est, on dirait des vrais humains maintenant, c'est incroyable. Bon, donc là, il y a déjà une grosse avancée, et oui aussi, puisqu'on ça te gênait, cette histoire, hein, qu'il n'y ait pas de jambes. Ah, moi, ça me perturbait. Donc, deuxième autre grosse surprise pour moi, effectivement, c'est le partenariat avec Microsoft aussi. Ouais. Donc, ils ont un partenariat avec Microsoft, du coup, il y a Xbox, alors le Xbox Cloud Gaming qui va arriver, donc vous pourrez jouer en Cloud Gaming à l'intérieur d'Horizon, dans l'intérieur de la VR. Vous pouvez aussi faire des rencarts avec Teams, avec d'autres gens. Vous pourrez même utiliser des applications Windows 365, en fait, donc des applications Microsoft, tout ça à l'intérieur de la VR, donc il y aura même probablement une interopérabilité avec les avatars. Donc tout ça, c'est assez... pour le coup, ça, je l'avais pas trouvé venir, la collab avec Microsoft, ça m'étonne un peu. Alors qu'en fait, au-delà du partenariat des entreprises et de la mise à disposition de ce service sur une plateforme Meta, techniquement parlant, ça pouvait être attendu finalement. Aujourd'hui, on a bien Netflix qui est diffusé sur les Oculus avec la petite fenêtre flottante autour de toi, finalement, que ce soit une fenêtre Netflix ou un jeu streamé. Là, l'intégration est un petit peu plus poussée, et en fait, je trouve ça un peu étonnant parce que pendant très longtemps, si tu veux, Microsoft a eu HoloLens et qu'ils étaient donc en concurrence avec Meta. Et là, donc, de les voir se réunir, est-ce que ça veut dire que HoloLens est plus ou moins crevé ? Je sais pas, les quatre fers en l'air, est-ce que c'est fini ? Je sais pas. Bon, enfin, tous les cas, ça, c'est vrai que c'était intéressant à voir. C'était un petit peu une surprise. pour le coup du MetaQuest, alors le MetaQuest Pro, parce que j'ai quand même essayé de répondre à ta question, mais t'as vu comme j'essaye de louvoyer, c'est beau, n'importe quoi. C'est beau. Donc le MetaQuest Pro, oui, alors MetaQuest Pro, son problème, enfin le problème que j'ai moi pour le MetaQuest Pro, c'est quand même qu'il est assez cher, il coûte 1 500 $, donc prix original, prix constructeur, quoi, 1 500 $. Probablement ça va aller chercher dans les 1 800 € chez nous, ça, hein. C'est 1 799,99 €. D'accord, donc 1 800 €, c'est parfait. 1 800 €, ça fait quand même cher. Et le truc, c'est que je trouve que c'est un peu étrange. Je trouve que le prix est vraiment trop élevé. Alors, je sais que c'est une version pro, mais en réalité, qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à une version pas pro ? Je veux dire, la résolution supérieure, 37%, c'est pas si énorme. Et il ne faut pas oublier que le Quest 2 a désormais un concurrent qui s'appelle le Pico 4, qui est meilleur, en fait, à bien des égards, et qui coûte un petit peu moins cher. Donc, il coûte 430 $, je crois. Donc, pour 430 $, tu as un truc meilleur que le Quest 2. Et là, on a un Quest Pro qui... Alors oui, ok, il y a un réglage interpupillaire, il est mieux, attention, il y a un réglage interpupillaire, c'est bien, il y a deux fois plus les de RAM. Les manettes sont moins imposantes, il n'y a pas les de gros cercles. Les manettes sont petites, ça c'est très bien, tout à fait. C'est un Snapdragon XR2 Plus, enfin, Snapdragon XR2 Plus, c'est 50% plus puissant qu'un XR2, enfin je veux dire, tu vois, c'est pas le jour et la nuit, quoi, tu vois, c'est pas du tout un truc révolutionnaire. C'est juste en fait un upgrade normal qu'on se serait attendu à avoir dans un Quest 3, sauf que c'est dans un Quest 3 à 1 800 balles au lieu de 400, quoi. Et la question qui se pose, c'est du coup, ben c'est clair que personne ne va acheter ça dans le grand public, parce que même ça n'a pas trop de sens, quoi. Et je me pose la question de quel est l'avantage par rapport à un Quest 2, si ce n'est effectivement cette vision en couleur, la vision en couleur de réalité mixte. Qui est cool. Donc elle est cool, mais je veux dire, c'est quand même cher payé, quoi. Je trouve qu'elle est vraiment cher payée, sachant qu'encore une fois, le Pico 4 donne aussi un retour en couleur. Alors il est probablement de moins bonne qualité, mais avec un Pico 4, vous voyez la réalité en couleur, comme avec un Quest Pro. Bon, de là à dire qu'il est suffisamment bon et que lui, il est un petit peu positionné un petit peu cher, je sais pas. Je sais pas à quel point, si tu veux, c'est pour un pro, hein, pour des pros. Quand tu sais que pour les pros, il y a les casques Vario, qui sont certes plus chers que le Quest Pro, mais qui donnent une résolution qui est beaucoup, beaucoup plus élevée, à tel point que les pixels sont totalement invisibles. Quand tu veux faire un truc pro et vraiment sérieux, et vraiment mettre plein la vue, bah tu prends un Vario. Là, un Quest Pro, bon, ça me paraît un peu léger, si tu veux, pour les pros, et ça me paraît beaucoup trop cher pour le grand public. Donc, je suis un petit peu partagé, quand même, sur ce Quest Pro. Ça se veut être un concurrent peut-être des lunettes Apple avec le même positionnement en ouais, termes de prix. Des lunettes Apple et qui vont intégrer probablement une puce M2 qui va littéralement écraser le Snapdragon. C'est pas du tout la même chose. Bon, on verra. Parmi les petits clins d'œil hein, que je trouve assez malins et qui étaient finalement prévisibles si on y réfléchissait et qui sont absolument pas de nature à justifier le prix, il y a quand même la station de charge qui est assez cool. Finalement, tu poses le casque sur la station de charge. Bon, c'est Qi hein, en fait, enfin j'en sais rien d'ailleurs, c'est peut-être pas la norme Qi, mais c'est de la recharge par induction. Tu poses ton casque et ça le recharge. Finalement, je trouve ça plutôt cool aussi. Est-ce que finalement le métavers, Guillaume, ce serait pas tout simplement l'avenir quand on voit ce type de produit? Bah, ça vient justement, ça vient après cette petite news qui est passée, qui a fait rire tout le monde, mais bon, même si c'est un peu aux dépens de Meta, c'est ce qui ressort d'un mémo interne du VP de Meta, qui se désespère que l'équipe de dev d'Horizon ne l'utilise pratiquement pas. Et il veut même les obliger à y plonger au moins une fois par semaine. Allez, s'il vous plaît, bon, faites un effort. Alors, il reconnaît aussi qu'Horizon souffre de bugs, d'une qualité qui laisse à désirer, voilà, qui va s'améliorer effectivement, mais pour l'instant c'est pas non plus foufou. Et il est bien conscient que si ses créateurs ne l'aiment pas, ben, personne ne l'aimera, un petit peu comme Frankenstein, ce pauvre vieux. Donc, pas assez qualitatif et graphiquement trop pauvre, Horizon demande encore beaucoup de boulot pour devenir une sorte de Roblox VR pour adultes, ce qui en souhaite un objectif aussi bizarre qu'ambitieux. Bon, le métaverse reste nébuleux, faut pas en déduire non plus que la VR est en train de mourir, hein, pas du tout, le Quest 2 tout seul s'est vendu 15 millions d'exemplaires, d'ailleurs, puisqu'on en parlait. C'est fou, ouais. Le PSVR s'est vendu à 6 millions d'exemplaires. Le PSVR 2 suscite beaucoup de curiosité, hein, beaucoup, ouais, c'est sur Internet, et les concurrents Quest, donc comme les Pico, vont stimuler probablement le marché qui était quand même pas mal monopolistique, hein, pour l'instant. En tout cas pour le casque autonome. Mais voilà, mais le casque autonome, c'est super important, parce que la VR a connu son début de hype il y a 10 ans, hein, comme Palmer Luckey montrait son proto d'Oculus, et ensuite il y a eu une forme de déception un peu qui a été due au coût et à la complexité générale des casques PC de l'époque. Bon, il y avait des fils, des capteurs partout, il fallait une grosse machine, chère, un setup complexe. Bon, Facebook a un peu sauvé le game, en fait, hein, il faut le reconnaître ça, puisqu'avec le Quest, le modèle du casque autonome tout intégré, ben, ils ont rendu la VR beaucoup plus mainstream, beaucoup plus simple, bon, avec un onboarding, comme on dit, vraiment beaucoup plus simple. C'est même presque devenu une norme, en fait. L'expérience d'utilisateur du Quest est devenue finalement une norme. Et petit à petit, les parts de marché du jeu VR augmentent, petit à petit, tranquillement. Donc la VR évolue de manière relativement lente, parce que ben, ça pose des problèmes difficiles en termes d'ingénierie. Et donc, elle se fait une place petit à petit pour des usages qui se créent au fur et à mesure. Mais ça reste difficile d'avoir les trucs comme dans les films de science-fiction. On a des trucs qui sont déjà vraiment pas mal en réalité, hein. Mais des trucs aussi immersifs, aussi légers, aussi autonomes que les films de science-fiction, c'est des vrais gros défis techniques. Il suffit de voir le Quest VR, hein, je veux dire, il est très beau, il est beaucoup plus léger, beaucoup plus compact. On l'a pas vraiment dit, mais il est vrai qu'il est... Je sais pas s'il est plus léger, mais en tout cas, il est beaucoup plus compact que le Quest 2, avec une nouvelle technologie de lentille. Le Quest Pro, tu veux dire? Pardon ? Le Quest Pro. Le Quest Pro, oui, pardon. Il est qu'est-ce que j'ai pas compris ? Tu disais le Quest VR, je voulais être sûr de pardon, savoir. Pardon, le Quest Pro, oui, désolé. Le Quest Pro, effectivement, est plus compact, voilà, vers l'avant. C'est un beau casque, hein, et il est vraiment sophistiqué, avec un suivi du regard et tout, comme le PSVR 2. Donc, c'est quand même une belle machine, déjà, tu vois. Il faut quand même beaucoup de travail pour arriver à ça. Donc, ça s'améliore petit à petit. Bon, voilà, quand tu vois le prix du Quest Pro, tu te dis qu'on n'y est pas encore, quoi. Donc, ça prend du temps. Et qui dit VR dit, ou pas d'ailleurs, métavers, parce qu'il y a eu un article qui a fait les choux gras des médiathèques. Une interprétation du métavers. Une interprétation du métavers, effectivement. Mais c'est un article de Coindesk, hein, qui disait qu'il y avait 38 utilisateurs, j'adore ce chiffre, 38 utilisateurs actifs dans Decentraland et 522 dans The Sandbox. Vérification et un peu de sérieux, les chiffres ne sont pas ceux-là. Mais pour autant, effectivement, on est à quelques milliers d'utilisateurs dans ces plateformes-là qui se valaient être des incarnations de métavers. Et il faut reconnaître que quand on se rappelle le prix de certaines entreprises qui ont dépensé des sommes assez importantes, hein, quand même, pour avoir des parcelles sur ces espaces-là, et voir qu'elles sont aujourd'hui des millions de dollars quand même. Parfois des millions de dollars. Et pour voir que c'est utilisé par quelques milliers de joueurs, est-ce que c'est un pari sur l'avenir qu'il fallait absolument prendre ? Est-ce que c'est un bide ? Bon, j'ai encore un petit peu de mal à être convaincu des usages de demain, mais... De toute façon, Decentraland, honnêtement, enfin, moi, je veux dire, ça fait partie des trucs que je déteste dans les projets Web3. Enfin, je veux dire, pas tous les projets Web3 ne sont pas comme ça, mais il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de projets qui sont basés sur une grosse financiarisation et qui travaillent vraiment très fort pour prendre tout ce qui fait chier dans la réalité et le mettre dans la vraie vie. Tout ce qu'on adore, comme la spéculation, la montée des prix, la spéculation immobilière, tu sais, le fait que si t'es riche, tu peux avoir pignon sur rue, que si t'es pauvre, t'habites en banlieue, tu prends tout ça et tu bosses très très fort pour remettre tout ça exactement dans un espace virtuel qui n'a absolument pas besoin de ce genre de truc. Je veux dire, c'est quand même magnifique. Les gens n'en veulent pas. Bah, comme c'est bizarre, quoi, sans déconner. Bon. Est-ce que les emmerdes, c'est pas ce qui incarne le plus la réalité, finalement ? C'est peut-être beaucoup plus réaliste, effectivement, que beaucoup d'autres jeux, je veux dire. Mais c'est... est-ce qu'on a envie de quelque chose de réaliste, finalement ? Est-ce qu'on n'a pas envie de quelque chose de différent de la réalité ? Moi, j'ai pas envie forcément de retrouver les mêmes problèmes immobiliers dans mon monde virtuel que dans mon monde réel, quoi. J'en ai assez dans mon monde réel, ça suffit, merci. Mm-mm. Mais bon... Très bien, un petit tour. Alors tu vas nous faire un petit peu de rétro maintenant, hein. On retourne pas dans un épisode de Tech Café Rétro, mais quand même on retourne du temps de Windows 95, Guillaume. Mais si on parle un peu de Windows 95, c'est pas souvent qu'on parle de lui quand même. C'est pas souvent, effectivement. Alors... Je l'ai pas beaucoup utilisé, moi d'ailleurs. Hein. Mais... Je suis vite arrivé à 98 quand même. Un peu de respect pour les aînés, quoi, que diable. Bon. Surtout qu'ils ont quand même pas ménagé leur peine, hein, en leur temps. Et on continue à en apprendre sur eux, en fait, même encore aujourd'hui. Par exemple, à quel point Microsoft a travaillé sur la rétrocompatibilité de Windows 95. Alors, les moins de 20 ans ne peuvent pas l'avoir connu. Mais le passage de 95 à Windows 95 a été un moment très tendu pour l'éditeur. Parce qu'avant, c'était le règne de DOS, qui a été augmenté après de Windows 3.1. Mais Windows 3.1, c'était une application de DOS. Alors, c'est vache de dire ça, c'était quand même plus que ça. C'était quand même presque un OS dans l'OS. En fait, c'est presque un OS à part entière qui utilisait DOS comme un BIOS, en fait, comme un bootstrap. C'était plus qu'une interface graphique type GNOME, par exemple, pour Linux. Beaucoup plus. Oui, c'était beaucoup plus qu'une interface graphique. Évidemment, il y avait une API graphique avec la possibilité de du fenêtrage, etc. Mais il faisait beaucoup plus que ça. Il avait son propre gestion de mémoire. Donc, il gérait la mémoire étendue. Donc, tu avais sa propre gestion de mémoire. Il utilisait des instructions 386 à l'époque pour faire du multitâche, pour faire, voilà, utiliser les commutations de contexte pour faire du multitâche. Et il offrait ça via une API qui était très riche au dev déjà à l'époque, très riche pour l'époque. Je me demande d'ailleurs dans quelle mesure est-ce que cette complexité induite par ce développement était nécessaire, tu vois. C'était nécessaire parce que DOS était vraiment une bouse. Non mais vraiment, je veux dire, c'était une catastrophe. Ouais. DOS, il gérait pas la mémoire, il gère rien. DOS, hein, c'est vraiment le truc le plus basique que tu puisses imaginer. Il gère strictement que dalle. Aucune protection, pas de multitâche, rien. Il gère que dalle. Donc en gros, oui, c'était nécessaire si tu veux faire des applications un peu complexes, comme on imagine maintenant les applications graphiques. Bah oui, il faut gérer la mémoire, il faut gérer le multitâche. Enfin, donc il faut faire tout ça malgré DOS en fait. Hein. Mais bon, voilà, donc en gros, Windows 3.1, ça restait DOS à la base quand même. Et bon, Windows 95, c'était un nouveau système qui, lui, voulait faire l'inverse, tout simplement. C'est-à-dire que le système graphique était l'OS, c'était lui l'OS, et DOS, c'était DOS qui devenait une application Windows. Et donc DOS était là, une application Windows, pour la rétrocompatibilité. Mais le noyau, c'est un noyau tout neuf, hein, 32 bits. Et bon, c'est un gros changement quand même, qui n'aurait pas forcément été adopté aussi massivement si les utilisateurs avaient eu trop de soucis avec les logiciels DOS qu'ils avaient déjà par dizaines, par centaines. Il fallait que ça marche, tout simplement. Donc la rétrocompatibilité avec l'écosystème Microsoft de l'époque, c'est-à-dire DOS, hein, était capitale. À tel point que donc Raymond Chen raconte qu'un manager de l'équipe de développement, était allé dans un magasin, le mec était allé à la Fnac, il avait acheté tous les logiciels PC qu'il a trouvés, tous. Il les a donnés ensuite à son équipe, deux logiciels par Jean, et il devait tester tous les logiciels, et si ça ne marchait pas, ben, il fallait trouver pourquoi, il fallait faire en sorte que ça marche. Or, un logiciel en particulier ne marchait pas à l'époque, SimCity. Ah. Et ça, c'était pas possible. Parce que SimCity, c'est un des jeux PC les plus populaires de l'époque. 5 millions de copies. Hein. Donc il était impensable que SimCity tourne pas sous Windows 95. Et pourtant, ça plantait. Et c'était même pas la faute de Microsoft. En fait, le jeu était buggé. Il libérait de la mémoire et après il l'utilisait quand même. Bon, donc sur Windows 3, ben ça passait, parce que la mémoire, pour une raison X ou Y, n'était pas touchée à ce moment-là, elle n'était pas touchée tout de suite, et donc le système, bon ben voilà, ça roulait, tant pis. Il se rendait pas trop compte, tu vois. Ben déjà, tu vois déjà à quel point, bon, voilà, c'était un petit peu lâche, la sécurité de 3.1. Mais bon, sous 95, il y avait crash. Et pour régler le problème, ben les devs de Microsoft sont allés jusqu'à programmer une condition spéciale dans le gestionnaire mémoire du système d'exploitation, pour ne pas toucher les données, s'il détectait que c'était SimCity qui tournait. C'était quand même, donc en gros, il... L'exception spécifiquement pour SimCity. Il émulait un petit peu Windows 3.1 s'il voyait que c'était SimCity. Bon. Donc des traitements de faveur comme ça, il y en a eu plein d'autres en fait. Windows NT, par exemple, mentait à Final Fantasy VII, pour pas qu'il panique, parce que Final Fantasy VII, s'il voit arriver Windows NT ou Windows 95, il panique, il sait pas quoi faire. Windows XP aussi. Windows XP... connaissait les faiblesses de Rainbow Six à propos des CD, à propos des changements de focus. Apparemment, si tu faisais CTRL-ALT-TAB, il paniquait. Bon, voilà, donc il fallait le savoir. XP connaissait les caprices de Dungeon Keeper aussi. Et voilà, la rétrocompatibilité, en fait, elle est très très importante pour Microsoft et jusqu'à aujourd'hui. Hein, puisqu'il paraît que DirectX s'adapte spécifiquement à Street Fighter V sur certaines machines. Donc, voilà, t'imagines le travail que ça représente, tout ça. C'est assez dingue, effectivement. C'est assez dingue. Je pense SimCity, je sais pas pourquoi je pense à ça. Tu avais pas recommandé un jeu qui était dispo sur la plateforme Switch, qui était un équivalent d'un SimCity que tu avais encensé. Je ne sais plus si c'est un Paracult ou un Tech Café. Oh, je me rappelle plus du nom. Mais je me trompe peut-être. Oui. Mais je me rappelle plus le nom. C'était quoi? Tu te rappelles pas? Je sais plus. Non. Ouais, c'est pas grave. C'est une parenthèse qui était tellement pas prévue dans le conducteur que je vais pas t'en vouloir de ne pas répondre tout de suite. Allez, on va parler plutôt des pubs, parce qu'a priori, on aurait plus de pubs sur Instagram et moins de pixels sur YouTube, Guillaume. Et oui, c'est la crise, mon pauvre monsieur. Hein. Donc, tout le monde cherche à consolider ses revenus. Alors, pour Instagram, ça consiste à rajouter de la pub. Bon, je vais pas faire semblant de connaître Instagram. Donc, il paraît que c'est dans Reel et dans le flux des profils. Donc, voilà, ça fera plaisir. Tu le fais très bien. Tu le fais très, très bien. On croirait que tu l'utilises au quotidien. Bah, complètement. Donc, alors pour YouTube, que par contre j'utilise presque au quotidien, c'est vrai qu'on peut difficilement faire plus de pubs, il me semble, mais je peux me tromper. Moi, malheureusement, j'ai cédé à la tentation de payer la partie premium qui est hors de prix, mais une fois que tu y as goûté, c'est vraiment très difficile oui, de revenir. Bah, c'est comme les antipubes. Alors, j'ai pas des antipubes partout, mais là où j'ai des antipubes, je veux dire que je vois la différence. C'est clair. En tout cas, ça consiste donc à quoi faire ? À réserver la 4K aux abonnements premium, donc aux bourgeois comme toi. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas des masses de raisons de s'abonner à premium hors la pub, hein, je crois. Honnêtement, c'est probablement le problème de YouTube. C'est que si t'as un bon adblocker, je vois pas pourquoi tu t'abonnerais, surtout pour 12 balles par mois. C'est trop cher. Et même c'est très cher. Je crains même que ça ne le reste trop cher, même pour la 4K. D'autant que le 1440p semble rester gratuit et que c'est quand même souvent suffisant. Donc il faut certainement motiver plus les gens à s'abonner. Alors la 4K, pourquoi pas ? En soi, c'est une idée. En plus, c'est ce qui consomme le plus de bandes passantes sur les serveurs, donc ça semble un peu cohérent. Par contre, 12 balles, c'est le prix d'un Game Pass, franchement, je vois pas ça. Il y a l'abonnement en musique aussi, hein, au passage, quand même, qu'il faut souligner, c'est-à-dire que tu peux te passer d'un Spotify, d'un truc comme ça. Oui, ça, mais je veux dire, tous les gamins utilisent quasi exclusivement YouTube pour écouter de la musique, ils s'en tapent. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense qu'il y en a encore beaucoup qui utilisent des Spotify. Oui, t'as raison, YouTube consomme, sert vachement à consommer de la musique pure, mais quand même, il y a beaucoup d'abonnements à Spotify. Okay. Hein, oui, bah, Spotify, ça c'est sûr. Ça s'évalue, en tout cas, dans la balance. Où est-ce qu'on en est ? Justement, on parle de Spotify, Guillaume. Incroyable, justement. Donc, d'ailleurs, justement, Guillaume, est-ce que tu écoutes encore de la musique ? Oui, de temps en temps, mais j'en écoute beaucoup trop peu à mon goût. Mais oui, je continue à écouter la musique, ouais. Et est-ce que c'est de la nouvelle musique ? C'est rarement de la nouvelle musique, mais parfois oui quand même. Ah oui, parfois oui, parce que... Alors, il y a une étude de 2015 que j'ai découverte, sur cet article de The Guardian, qui c'était Spotify à l'époque, qui faisait une étude qui révélait que la plupart des gens cessent d'écouter des nouvelles musiques à 33 ans. Et en 2018, Deezer a fait un peu la même chose. J'essaie d'en déduire mon âge. Et il mesurait que c'était plutôt 30. Donc alors, il semble que l'appétit de consommer de nouvelles musiques régulièrement s'éteigne avec l'âge. Donc peut-être que c'est, l'appétit musical, ça fait peut-être partie de la formation de l'identité, quoi, tu rentres durant la jeunesse. Une fois que c'est fixé, c'est moins important et c'est poussé dehors si t'as des choses comme des enfants, des responsabilités, donc plus trop de temps à toi. C'est possible. Bon, je sais pas, c'est pas systématique évidemment. Mais bon, le journaliste de The Guardian qui relate ça le constate lui-même, il en fait les frais puisqu'il n'a plus personne avec qui discuter de musique, en fait. Mais bon, je m'égare. Pour ceux qui écoutent de la musique, donc, les services de streaming sont sans doute des évidences, et pourtant, on commence à trouver des repentis de Spotify ou Deezer. Alors, on savait qu'il y avait une vogue du vinyle, voire de la cassette, il reste un petit marché pour le CD, mais peut-être que le MP3 aussi va devenir une manière de revenir au bon vieux temps, tu vois. Un bon vieux temps où on écoutait de la musique de manière active, avant qu'on biberonne un flot infini de chansons qu'on entend plus qu'on ne les écoute. Enfin, c'est en tout cas ce que disent certains, là encore donc dans un autre article de The Guardian, qui ont réalisé un beau jour que Spotify avait en quelque sorte anesthésié leur goût pour la musique. Alors, sur Spotify, ils étaient passifs, ils consommaient ce qu'on leur donnait sans trop réfléchir, et ils cherchaient finalement un produit, un produit pour coller à leur humeur du moment. On n'écoute pas vraiment de la musique, on cherche une bande son pour le film de sa vie. Et ils se sont donc désabonnés, et ils sont redevenus actifs. Voilà, ils cherchent des albums, ils testent des trucs, ils font leur propre compil MP3 qu'ils trimballent sur de vieux iPods, ils reprennent le pouvoir, ils écoutent tout un album au lieu de zapper de tube en tube. Ils se posent pour écouter, vraiment la musique. Ils suivent les artistes d'album en album, comme au bon vieux temps, je sais pas. Alors c'est assez rigolo, ça fait partie de ces petits trucs, de ces petits articles lifestyle que je vois passer de temps en temps. À ton avis, l'iPod est-il la future nouvelle platine vinyle ? Je crois absolument pas. mais peut-être, pourquoi pas ? Je suis tellement étonné quand je vois ces rayons remplis de vinyle dans les Fnac et dans les magasins de médias. Moi. C'est... Puis c'est vraiment quelque chose. Tu regardes plus les gens qui ont des collections vinyles comme étant des bêtes curieuses, mais je t'avoue que c'est vraiment pas un truc que j'aurais pu anticiper. Et c'est beau quelque part. Ça veut dire que la nature humaine a de matière à nous surprendre, et que les consommations sont pas forcément celles qu'on impose, quoi. Le vinyle, c'est pas vraiment une question de technologie. À mon avis, c'est pas parce que c'est une technologie rétro, c'est parce que ça. Ça valorise la musique. C'est la meilleure incarnation physique que tu peux faire de la musique. C'est ça, c'est une incarnation physique, et avec cette incarnation, ça impose quelque chose, en fait. C'est-à-dire que Il y a une certaine praticité aussi, parce que, la cassette... Non, c'est pas pratique du tout, c'est la nul. La cassette audio serait meilleure incarnation, mais pas pratique. Tout voilà, ça, c'est pas pourri. Mais tout est pourri, je veux dire, le vinyle, c'est pas pratique, c'est nul. La cassette, c'est pas pratique, c'est nul, il faut rembobiner, c'est débile. Mais pourquoi le vinyle plutôt que le CD, par contre ? Alors le vinyle plutôt que le CD, à mon avis, bon, y a peut-être un peu de snobisme, puis c'est parce que ça fait des trucs plus gros. Ça fait des choses plus grosses dans lequel, sur lesquelles on peut avoir des plus belles jaquettes, de l'art plus joli. Enfin, en fait, je pense que c'est visuel, ça permet de collectionner. Bon, y a un petit côté snobisme, je pense. Mais ce qui est intéressant, c'est que les supports physiques permettent le rituel. Et je pense que c'est ça qui est le plus important, en fait. C'est-à-dire que Spotify, c'est pas un rituel, c'est-à-dire tu choisis, voilà, tu veux, tu veux, je suis dans tel mood, voilà, je veux tel truc, bon, tu peux chercher des artistes, évidemment, c'est caricatural, mais il y a un peu cette idée de c'est automatique, c'est automatisé, alors que quand tu as un support physique, que ce soit une cassette ou un vinyle, et surtout quand c'est un support physique un peu chiant, comme c'est le cas de la cassette ou du vinyle, ben, il y a un côté rituel, je veux dire, je me prends un moment pour écouter de la musique. Je prends ma platine, voilà, j'ai un truc dédié, un espace dédié, avec une platine, dessus je mets un gros disque, je mets la tête dessus, et c'est un rituel. C'est très symbolique, hein, c'est totalement psychologique, hein. C'est pas une question de qualité ou quoi que ce soit, ça j'y crois pas, moi j'y crois pas. Mais en tous les cas, c'est vraiment une question de rituel. Il y a le rituel d'écouter de la musique qui la valorise en quelque sorte, enfin... Je pense que moi, je le ressens comme ça, si tu veux. Ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que moi, les plateformes de musique, quelles qu'elles soient, je les consomme comme je consommais des albums CD ou vinyle. C'est-à-dire que je vais chercher un artiste et je lance un album. Je suis très perturbé par le fonctionnement qui est pas mal imposé par Spotify auprès de ses utilisateurs. Et a priori, il y en a beaucoup qui s'en satisfont. Mais justement, de lancer une playlist, de lancer une musique et de laisser s'enchaîner derrière les musiques, moi, c'est quelque chose qui me perturbe, en fait. Donc, je me rends compte à quel point je suis un consommateur de vinyle, mais rétro. Sur les plateformes musique sans c'est vinyle. Donc c'est déroutant. Il y a peut-être un côté moderne rétro chez toi. Bah après, peut-être. Il y a toutes les consoles, vous consommez comme vous voulez, ce que vous voulez. Mais voilà, ouais. Moi je le ressens comme ça. Je ressens cette histoire de rituel. Où, voilà. Et c'est pareil quand ils disent, il y en a un qui dit, il chope un vieil iPod sur eBay. Et bah, comme c'est un vieil iPod, évidemment, à l'époque, les disques durs étaient quand même assez petits, donc il a viré le disque dur et l'a remplacé par une carte SD, beaucoup plus grosse, et en plus, évidemment, ça dure plus longtemps, ça consomme moins d'énergie. Du coup, il s'est fabriqué son baladeur MP3, rétro-moderne, et en fait, il a le rituel de copier des fichiers dessus. C'est chiant, hein, mais c'est un rituel aussi, quelque part, tu vois. Et voilà, il y a cette idée d'être actif et de démarche qui doit être importante, enfin, en tout cas, pour certaines personnes, j'imagine. Et toi, tu consommes la musique comment, Guillaume ? Et moi, j'ai plus de 30 ans. Et je me rends compte que je suis totalement là-dedans et que j'écoute très peu de nouvelles musiques. Mais sur des plateformes, quand même. Et que j'ai peu de temps d'écoute hors podcast, en réalité, pour écouter vraiment la musique. D'accord. Parce que le temps d'écoute, il est limité aussi. Et que je privilégie l'écoute de podcast par rapport à l'écoute de musique. Excellent. Donc, je suis totalement dans la tendance, je dirais. Merci pour cette fenêtre des générations et de la consommation musicale. Allez, un petit détournement, là encore, des visages, peut-être. Among Us, Guillaume, nouvelle plateforme de rencontre. Ouais. C'est vrai que si tu me demandais un truc qui était le plus loin possible de Tinder, c'est clair. Mais vraiment à l'opposé, hein, j'aurais pu te citer Among Us, parce qu'après tout, c'est quand même un jeu vidéo multi où tout le monde est une sorte d'astronaute cartoon sans genre et avec un casque, tu vois. Et ben c'est perdu, voilà, ça drague et ça essaye de pécho aussi sur Among Us. C'est fou ça, comment ils font? Parce que moi je suis quand même concentré quand je joue à Among Us. Mais ils jouent pas à Among Us, ils restent dans les lobbies et ils chattent. Ah, d'accord. Je serais toujours fasciné par la plasticité, c'est l'adaptabilité formidable. De la nature humaine et dès lors qu'il s'agit de cul en fait. C'est ça qui est magnifique. Et il y a une journaliste de Kotaku qui décrit son expérience lunaire où elle se fait draguer sur les chats des lobbies de Among Us. Hein. Et ils se valent pas tous, alors évidemment... Certains sont ouvertement roleplay et orientés, je pense que ça ne s'appelle pas horny RP only ou I send D-Pics si on veut faire juste une petite partie de Among Us, hein, je veux dire. Bref, au-delà de la blague, ça montre aussi la difficulté d'avoir une plateforme hyper populaire et de la garder safe. Parce que sur Among Us, il y a des enfants évidemment plein, et il y a des outils, hein, attention, les éditeurs ont travaillé quand même, hein. Il y a le child account, où tu peux pas chatter en fait, il y a juste des mots prédéfinis, il y a un système d'alerte bien sûr, mais il y a quand même toujours plein de salons cochons. Et c'est même pour un jeu avec des casques. Alors pourquoi pas finalement, hein, entre adultes, pourquoi pas ? L'amour est aveugle et la beauté est intérieure, donc derrière le casque. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Et l'iconographie, mon gosse, au passage, je suis marqué, moi, de voir que mon fils, qui sait même pas quel type de jeu vidéo c'est, est absolument subjugué par le fait d'avoir un t-shirt ou un sweat Among Us, tu vois. Dans la cour d'école, c'est dingue, l'iconographie des personnages est très réussie, je pense, au passage. Les glows d'Amazon, Guillaume. Oh, t'étais en train de le supprimer dans le conducteur. Oh, ouais, j'étais bien enterré. Non, mais finalement, heureusement que c'est week-end. Bon, ok, c'est week-end. Allez, on va jusqu'au bout. Ouais, bah très rapidement, l'Amazon Glow est mort. Voilà, il est mort, caput, finito. Vous savez, c'était cette espèce de grosse brique verticale avec un écran et un projecteur. C'était tellement écrit que ça allait mourir, ça. C'était pas écrit. Bah écoute, le truc, c'est si, que ça... Si, c'était écrit, justement. Ah, c'était écrit. Bah oui, c'était écrit, puisque voilà. Alors, au début, ça devait permettre à Grande Tati de faire des dessins avec le petit dernier. Mais ça s'est pas bien vendu, bizarrement, parce que, bon, outre une niche, finalement, assez réduite d'usage, et puis, grosso modo, n'importe quel clone de Skype fait l'affaire, en fait, hein, si tu veux dessiner avec le petit. Donc, le prix de l'engin, c'était quand même 300$, et surtout, il y avait un abonnement à 5$ par mois par-dessus, donc ça a pas trop séduit. Ouais. De l'autre côté, il y a le Scout, voilà, un robot de livraison, lancé en 2019, qui va retourner dans son placard. Hein, Alors, c'est le robot sport. Il faut dire que voilà, ce robot, il portait pas beaucoup de petits paquets et surtout, il les livrait à la vitesse d'un facteur à pied, voire d'un facteur avec un pied beau. Donc, si tu veux, l'avantage par rapport à un humain sous-payé n'était pas très intense. Donc, voilà, adieu. Tant pis, paix à leur âme. Mais c'est sûr que c'était écrit que ça ne marcherait pas, ce truc. Pour moi, c'était du contenu pour Podcast Tech, quoi. Mais vraiment, on en a parlé, bien sûr. Bien évidemment, je m'en rappelle, tu penses bien. Allez, c'est pas que les intelligences artificielles font pas d'erreurs, Guillaume, c'est plutôt que les humains en font un peu plus qu'eux. Ben voilà, t'as tout résumé, ouais. Un follow-up obligatoire quand même, peut-être sur Copilot et ses collègues, hein, Copilot, c'est cette IA de GitHub qui écrit du code pour toi. Donc il y a quelques mois, on relayait une étude qui disait voilà, qu'environ 40% du code produit par Copilot contenait des faiblesses ou des bugs. Eh ben, la même équipe voulait aller plus loin et être plus juste avec la pauvre machine. Parce que c'est pas comme si les humains faisaient jamais d'erreurs non plus. Et donc à NYU, donc l'université de New York, ils ont recruté 58 participants, et oui, je sais, c'est peu, et ils ont mené une expérience, voilà, en leur faisant écrire des programmes assistés ou pas de Codex, qui est un analogue de guide Copilot, mais pour OpenAI. Le résultat est rassurant. Ils n'ont pas trouvé de différence statistiquement significative entre le nombre d'erreurs faites avec et sans Codex. En fait, il arrive même que des humains mettent des erreurs dans un code correct donné par le programme. Bon, donc c'est un comble. Donc il y a des erreurs dans tous les cas, et la différence entre les codeurs augmentés et les codeurs à la papa ne semble pas énorme, bah, sinon ça serait vu, quoi. De même, la productivité du groupe Codex semble supérieure, ce qui n'est pas super étonnant. Mais au-delà de ça, on ne peut pas vraiment dire grand-chose, parce que voilà, la taille de l'échantillon est vraiment faible. Donc c'est rassurant, même s'il est possible voilà, que le nombre d'erreurs même pourrait être moindre avec Codex, mais c'est trop tôt pour le dire. On enchaîne, et on parlait de Spotify tout à l'heure, et notamment de la consommation des podcasts. Et dans la rubrique culot, on a Spotify qui investit la lutte contre la désinformation. Alors non pas qu'ils voudraient retirer Joe Rogan de leur catalogue parce qu'ils l'ont chèrement acquis, mais quand même, ils ont envie de lutter contre la désinformation. Et oui, vous vous demandez probablement qu'est-ce que fout cette rubrique alors qu'on parlait de Spotify tout à l'heure, mais c'est parce que c'est la rubrique intelligence artificielle. Voilà la logique tordue et la raison pour laquelle ce truc, on en parle maintenant. Ça tient. Parce que en fait, oui, Spotify veut être le number one sur le podcast, qui signifie aussi des millions d'heures d'audio à écouter, si on veut être sûr qu'ils suivent toutes les règles de publication de la plateforme. Donc c'est un travail atroce, hein, il est urgent d'automatiser tout ça, et ça tombe bien, c'est la spécialité de Kinzen. Donc ça y est, il existe désormais un algo qui peut écouter de la voix et repérer les contenus dangereux, offensants et même l'infox. Ça, c'est ce qu'ils disent sur leur site. Hein. Repérer l'infox ou même comprendre l'ironie ou l'humour, parfois c'est difficile même pour moi. Donc, bon. Tu m'étonnes. Mais bon, de toute façon, Kinzen va lever des alertes et envoyer le potentiel problème à un modérateur humain, le pauvre. Spotify avait donc fait un gros partenariat avec Kinzen. Je suis curieux de savoir à quel point ça sera efficace. Ça va pas plaire à Joe Rogan, probablement. Ouais. Mais donc, ça y est, l'automatisation de la modération audio arrive. La vidéo sera probablement possible un jour. Donc je dis tu sais, à long terme, donc ça arrivera probablement dans 2 mois, vu que la vitesse à laquelle vont les trucs en ce moment. Mais bon, on verra ça, on vous en reparlera. Magic, Guillaume, pour conclure cet épisode, Magic, qui a occupé tant d'heures dans ma vie. Ah, mais oui, Magic, Magic a 30 ans, ça y est, oui, c'est le jeu de cartes de Wizards of the Coast. Incroyable. 30 balais, c'est un cap, hein. C'est fini la jeunesse, ça y est, hein. T'es un adulte maintenant, bordel. Alors tu vas arrêter de parler de dragons, de vampires, de dinosaures et de ninjas toute la journée, là ? Non, je refuse. Bon, en même temps, je comprends que tu déprimes un peu, Magic. Hein. 30 ans, c'est une page qui se tourne. Le temps file, les temps changent, mais t'as su te renouveler, toi. Puis t'as un super business model quand même, hein. Regarde le nombre de decks que t'as aujourd'hui, une appli qui marche du tonnerre. Et oui, t'es moderne, Magic, donc souris. Bon, ok, je comprends que ça te fasse un coup. C'est aussi fait pour ça, les fêtes d'anniversaire. Hein. On te noie sous les cadeaux et le mousseux et le glucose pour te faire oublier que tu vieillis. Voilà, avec un peu de chance, bah, tu fais un coma alimentaire, tu travailles le lendemain et tout est fini. Bon, par contre, je comprends que tu t'attendes à plein de cadeaux. Autant quand même, $999 le pack de booster. Est-ce que t'abuses pas un petit peu, là ? Caprice. Faut marquer le coup. Ouais, ok. Mais là, c'est surtout mon banquier que ça va marquer ton passage à la maturité, là. $999 pour 4 boosters collector. Sérieux ? T'as encore fumé ? Même pas. Tu pourrais au moins les autoriser en tournant à ce prix-là, les cartes. Ben non, bien sûr, parce qu'il y a même la Black Lotus dedans. Parmi les 114 cartes rééditées à choper et que tu as aléatoirement, bien entendu, dans chaque booster. Maintenant que j'y pense, Magic, t'as toujours été vénal. Ne le nie pas, t'as toujours aimé le pognon. Hein, ces histoires de cartes rares, de boosters. Je sais que c'est pas toi qui les a inventées, tous ces trucs. Mais enfin, c'est pas Panini qui a créé le Black Lotus, hein, ce truc tellement cheaté. Avoue que ça te plaît quand les prix des cartes flambent. Hein, quand elles, combien elles ont, combien, hein? Combien la Black Lotus ? $511 000 ? Pff, t'es fier de toi. Et puis ce renouvellement incessant qui fait qu'il faut acheter des decks, deck sur booster, tous les 3 mois pour rester dans la course. C'est bien joué, hein, je le reconnais, mais on peut pas dire que tu sois un grand philanthrope, Madge. De toute façon, je serais pas invité à ta fête d'anniversaire. Hein. T'as toujours été snob en plus, suffit de voir comment tu formules tes règles sur les cartes, on dirait le code pénal. Bon, à 1000 balles le ticket d'entrée, ça sera encore une fête jet set avec des gars blindés qui repartiront plein de boosters qu'ils ouvriront jamais, qui pendront la poussière dans une vitrine. Après, si ça peut t'aider à passer le cap, écoute, j'espère juste que pour tes 40 ans, tu seras plus serein, que t'auras pris un peu de sagesse, de sérénité, de magnanimité. Mais j'en doute. Quelle invention incroyable, hein, de Richard Garfield à l'époque, n'empêche que le concept de Magic, et moi je t'avoue, j'ai vraiment passé des heures et des heures avec Magic. J'ai encore ma boîte de vieilles cartes qui sommeille à la cave, que j'essaye de préserver de l'humidité, peut-être d'ailleurs pas avec beaucoup de succès. Mais tu t'es pas lancé sur l'appli, parce que le jeu est bien, hein, Magic. Je me suis jamais lancé sur l'appli. Est-ce qu'il y a les mêmes travers ? Est-ce que tu dois acheter des cartes Tu peux grinder et avoir des boosters gratuits et puis construire un deck comme ça. Hein. Eh ben peut-être que je le lancerai, tiens d'ailleurs. J'avais ça marche sur. J'ai foutu le verre dans le fruit. Mais alors comme. C'est possible ça en plus. C'est bien possible. Non parce que honnêtement, tu as déjà beaucoup de cartes quand enfin les boosters de base, enfin les sets de base, donc sur l'appli Magic, là, Arena, ils sont déjà assez bien fournis, hein, donc tu peux déjà jouer pas mal, et puis après, t'as des boosters régulièrement, tu peux vraiment créer un truc des trucs plutôt puissants. Ok, ça me fait mal au cœur de devoir tester de l'installer, finalement. Ça fonctionne même sur téléphone. Ah, arrête, ça suffit maintenant. Il faudrait écouter le podcast de La Cellule avec Romaric Briand et Romaric Briand vous parlera assez régulièrement de la beauté de Magic. Suivez-le d'ailleurs, hein, sur Twitter. Écoute, merci beaucoup Guillaume pour ce petit clin d'œil et ton incitation à installer cette app qui va me consommer beaucoup plus de temps que les échecs. Et merci surtout pour la préparation de cette émission, de cet épisode de Tech Café, ce supplément. On vous rappelle, si jamais vous voulez interagir avec nous, vous pouvez déposer un commentaire sur techcafé.fr, que vous pouvez nous mentionner sur les réseaux sociaux @techcafépodcast sur Twitter. Vous pouvez aussi discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord de Tech Café, dont les notes figurent dans l'épisode. Et également, bien entendu, et c'est peut-être là le plus important, si vous trouvez que le podcast vous apporte un contenu qui vous est utile et divertissant, que c'est un rendez-vous dans vos journées que vous ne manqueriez pour rien au monde, peut-être envisager d'aller nous soutenir sur patreon.com/techcafé. Et en attendant, vous pourrez même probablement bientôt, très prochainement, solliciter Guillaume Podjaspala à titre individuel. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Guillaume ? Écoute, tu m'as tous ces trucs sur SimCity m'ont donné envie de retourner sur Switch et sur City Skyline. Ça y est, j'ai retrouvé. Oui, City Skyline, merci. Je vais aller installer ça. J'ai très envie de tester. J'ai décidément pas assez de temps, mais je vais repousser les murs pour trouver du temps pour tout ça, pour Magic et City Skyline. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Et à tous.